Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Nous saluons les frères et ceux qui sont connectés. Nous souhaitons à chacun de vous un bon appétit. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. Neni amo mwamuru. Père, na baba yetu. Ce matin, nous te disons merci. Asubuhi leo tunasema asante. Pour avoir conduit nos pas en ces lieux. Hilo lipeleka mikulu yetu pa hifadhi. Avec un objectif de recevoir la portion du jour. Na kifuguzio kia kupokea sehemu za siku. Tu as promis. Ulilaka. Et tu as dit. Na ulisema. Là où ça semble en ton nom, deux ou trois personnes, toi tu seras au milieu d'eux. Nous sommes ici, non pas au nom d'un parti politique. Nous sommes ici, non pas au nom d'une mutualité. Nous sommes ici, non pas pour un intérêt financier. Nous sommes ici, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes ici pour honorer le travail que tu as fait au bois du calvaire. Nous sommes ici pour recevoir ton salut en nous. Seigneur, descends. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur, selon son attente. Nous avons besoin de toi. Descends Seigneur, élève-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Parle Seigneur, et nous écouterons. Merci Seigneur, donne-nous l'entendement meilleur. Bénis la parole qui sera lue. Viens-toi des malades. Viens-toi des nécessités. De tous ceux qui ont des projets. Ceux qui passent des moments de difficulté. Seigneur, occupe-toi d'eux. N'oublie pas les frères et les sœurs qui nous suivent en ligne. Et aussi ont des problèmes. Et aussi s'attendent à toi. Ta main n'est pas courte pour sauver. Seigneur, que ta grâce assure. Du début à la fin, que ton nom soit élevé. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Ephésiens au chapitre 1. Nous commençons dans son verset 7. Nous commençons dans son verset 7. Jusque dans son verset 11. Kufika na mstari ya 12. Nous prendrons aussi tachugua pia Ésaïe 40, Isaïa sura makumi ine, verset 13, mstari ya 13 et le verset 14. Na mstari ya makumi ya 14. Éphésiens au chapitre 1. Wa Efeso sura ya kwanza. Verset 7, mstari ya 7 jusqu'au verset 12. Kufika na mstari ya 12. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Ndani yake tulipata ukombozi kupitia damu yake. Le pardon des péchés, ondoleo ya dhambi, selon la richesse de sa grâce. Kufuatana na utajiri ya neema yake. Que Dieu a répandu abondamment sur nous. Il a Mungu alimimia katika wingi yulu yetu. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Kupitia aina ya mingi ya hekima na ya akili. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Alitujulisha siri ya mapenzi yake. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Kufatana na kusudi mzuri ya ila alifanya ndani yake. Pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. Dieu a kuitumikisha wakati pale itaenea. Pour le mettre à l'exécution. Dieu a kuitumikisha. Kuitimiza. Lorsque le temps serait accompli. Pale wakati itafika. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant son plan de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Benye kutanguliwa kuweka kufuatana na mipango ya ule kunatumika vitu vyote kufuatana na shauri ya mapenzi yake. Afin que nous servions à célébrer sa gloire. Ili tupate kusaidiwa juu kuhusifu utukufu yake. Nous qui d'avance, sisi bale tangia zamani, espérons, avons espéré en Christ. Tulitumainiaka ndani ya Kristo. Ésaïe 40. Isaïa sura makumi ine. Dans son verset 13 à 14. Musari yake ya 13 kufika 14. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel? Ni nani ula lichunguza roho ya Yehova? Et qui l'a éclairé de ses conseils? Na ni nani ula limwangazia mashauri yake? Avec qui a-t-il délibéré pour recevoir de l'instruction? Na alizungumza na nani juu apate maagizo? Qui lui a appris le sentier de la justice? Nani ula limfundisha njia ya uhaki? Et lui a enseigné la sagesse? Na ni nani ula limfundisha hekima? Et fait connaître le chemin de l'intelligence. Na kumujulisha njia ya akili. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Nous parlons de choses très profondes. Tukunasemezea yulu ya bitu ya upanda sana. Des mystères cachés. Ya siri yenye kufichwa. Ces choses que Dieu lui-même avait conçues dans sa pensée. Bitu bile Mungu yeye mwenyewe alitunga mu mawazo yake. Pendant qu'il était dans l'éternité. Wakati ile alikuwa yeye mwenyewe mule mu milele. Il n'y avait aucun homme à côté de lui. Akukwe mtu hata moya pembeni yake. Il n'y avait personne pour l'instruire. Akukwe mtu hata moya wa kumfundisha. Il n'y avait personne pour lui apporter des conseils. Akukwe mtu hata moya juu ya kumshauria. Il n'y avait personne pour redresser ce qu'il avait fait. Akukwe mtu hata moya wa kunyolosha bila yeye alifanyaka. Il était seul. Alikuwa peke yake. Et par l'esprit de la révélation. Na kupitia roho ya ufunuo. Dans cet âge de l'Odyssée. Mui kizazi ya Laodikia. Parce que la promesse avait déjà dit, juu, malako, ilikuwa nesha kusema, ou plusieurs promesses avaient déjà annoncé, wala malako ya mingi, ilikuwa nesha tangulia kusema, qu'au temps du soir, ya kwamba muwakati ya mangaribi, dans les derniers jours, masiku ya kumwisho, toute la parole serait révélée. Neno la Mungu lote tafunuliwa. Et pour nous qui sommes l'épouse, Dieu nous a promis ouvertement que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Parce que tous seront enseignés de Dieu. C'est pourquoi par l'esprit de la révélation, l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, qui sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes en mesure d'aller plonger nos regards dans l'éternité et d'entrer encore dans Elohim, de voir ce qui s'est passé dans sa pensée, ce qui s'est passé dans son cœur. Nous pénétrons même sa préscience, même dans le conseil de sa volonté, parce que Christ nous a dotés de son esprit. Wani Mungu alitupatia roho yake. Ces choses nous sont éclairées. Hivi vitu vinatuangaziwa. C'est uniquement pour notre salut. Ni juu tu ya wokovu yetu. Afin que nous soyons pas des roseaux agités. Ili tusikwe matete ya kutigisika. À tout vent de doctrine. Mampepo yote ya mafundisho. Afin que chaque frère, chaque sœur. Ili kila ndugu na kila dada. Et la certitude des enseignements qu'il a reçus. Awe na hakikisho ya mafundisho ili alipokea. Ces choses que nous recevons. Hivi vitu tuku na ne peuvent être enseignés dans un séminaire. Abawezi kuifundisha kusemina apana. Un homme sans Saint-Esprit. Mutu bila Roho Mtakatifu. Un homme sans don. Mutu bila zawadi. Un homme sans mandat divin. Mutu bila kwa na kutumiwa na Mungu. Ne peut rien comprendre. Awezi kuelewa kitu. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai sœur. Ni kweli dada. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Jina la Bwana Yesu Kristo isifiwe. Oh, son grand amour. Jina mapendo yake mkubwa. Qu'il manifeste à notre regard. Ile anaonekanisha kwetu. C'est ainsi que vous voyez. Nous sommes en train tuko de parler sur les 15 points qu'on avait nommés. Tuko na semezea, yulu ya manukta, nous avons parlé de la pensée de Dieu. Nous avons parlé de la volonté de Dieu. Nous avons parlé de la préscience de Dieu. Et maintenant nous parlons du conseil de sa volonté. Sasa, tuko na semezea, kuhusu, shauri ya mapenzi yake. Pour les dimanchistes, des fois que nous appelons des faux chrétiens, des chrétiens de dimanche, qui n'ont pas l'amour de la vérité, nous les aidons même à avoir une simple connaissance, peut-être demain ou après-demain, Dieu leur fera grâce d'être dans le royaume du Seigneur, dans son royaume. Alors ces choses peuvent les servir. Nous avons dit ceci vendredi. Depuis l'éternité, quand Elohim était seul, dans sa pensée comme projecteur, il avait conçu le plan de toutes choses. Il avait conçu le plan pour toutes choses. Mais il n'a jamais, la pensée de Dieu n'a pas vu. Alakini, mawazo ya Mungu haikutanguli yake kuona. La pensée de Dieu n'avait pas de yeux pour voir. Mawazo ya Mungu haikuwa na macho juu ya kuona. Ce qui arriverait sur la terre. Ile itafikaka pa dunia. Dès le commencement. Tangia mwanzo. Jusqu'à la consommation du temps. Kufika na mwisho wa nyakati. C'était de très belles pensées. Ilikuwa ni mawazo mzuri sana. Des pensées parfaites. Mawazo kamilifu. Que Dieu avait conçu en lui. Ile Mungu alitangulia kutunga ndani yake. Nous avons parlé de la volonté de Dieu. Parce que par la préscience, Dieu avait vu que l'homme qui serait créé tomberait dans le péché, dans la mort. L'amour de Dieu avait décidé de sauver tout homme sans tenir compte de sa situation dans laquelle il se trouvait, sans tenir compte de l'état dans lequel il est né. Dieu a tellement aimé l'homme, il ne voulait pas le voir dormir dans le péché, dans la mort pour toujours. Et il avait décidé dans son amour de vouloir le sauver. Maintenant, il y a eu l'intervention de la volonté de Dieu, de la présence de Dieu. Comme Dieu est infini, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Dans sa préscience, cette faculté qui n'existe qu'en Dieu, qui ne se trouve pas dans les hommes, qui ne se trouve pas dans les anges, même dans les créatures, il n'y en a pas. Cette faculté que nous appelons la préscience, qui permet à Dieu de connaître toutes choses, a vu ce qui arriverait sur la terre lorsque Dieu, après avoir créé l'homme, comment il tomberait, et par la chute de l'homme, il entraînerait toute la création dans le péché et dans la mort. Et il semblait y avoir une contradiction. entre la volonté de Dieu katikati ya mapenzi ya Mungu, qui voulait sauver tout le monde ile ilipenda aokoe bantu bote sans exception bila kondosha mwata moyo et la présence de Dieu alakini na kutangulia kujua kwa qui Mungu qui avertissait à Dieu ile ilikuwa namkalamusha Mungu que l'homme que tu mettras sur la terre ya kwamba ule mtu utaumbaka pa dunia sera doté de son libre arbitre atakuwa na kipendaro yake ya kuchagua. C'est ainsi comme nous l'avons montré vendredi. Elohim est entré dans son bureau d'études. Elohim aliingia mu office yake ya majifunzo. Quel est le bureau d'études? Le bureau d'études d'Elohim. Office ya majifunzo ya Elohim. C'est le conseil de sa volonté. Ni shauri ya mapenzi yake. Maintenant, dans le conseil de la volonté de Dieu, sasa, ya mapenzi ya la préscience dit à la volonté de Dieu, kutangulia kujua kwa vitu kukamwambia mapenzi ya Mungu, remarque ce que Jésus, tazama ile mina tangulia kuona, ton plan est parfait, mapu yako iko kamilifu, ton amour est parfait, mapendo yako iko kamilifu, mais l'homme que tu as créé, anakini mutu ulo taumba, les hommes qui existeront sur la vale terre, batu bataishi pa dunia, ces hommes dotés de leur liberté, vale quand ton plan de la rédemption laissera exposer, les uns l'accepteront, les autres les rejetteront. Et la préscience dit, toi volonté, et toi amour, voudras-tu sauver même les gens qui t'haïssent? Même ceux qui te rejettent, Dieu dit, je voudrais. Mungu anasema nitapenda. Ça c'est mon amour. Hii ni mapendo yangu mimi nitapenda. Ma volonté parfaite. Ni mapenzi yangu kamili. Tout le monde doit être sauvé. Watu wote wanapaswa waokolewe. Parce que tout le monde n'est pas responsable. Abana na ile buzi. C'est Adam qui est responsable. Ni Adam ndio yuko na ile. Comment je vais le condamner? Sasa nitabahukumu juu ya nini? Non. Hapana. Ils ont droit. Wako na ruhusa. Ils doivent bénéficier ma grâce. Wanapaswa kufaidia neema. Ils doivent bénéficier ma miséricorde. Wanapaswa kufaidia rehema yangu. Ils doivent bénéficier ma compassion. Wanapaswa kufaidia. Ils doivent être tous sauvés. Wanapaswa wote waokolewe. Alors, kumbi, la préscience dit, kutanguria kujua kukasema, s'il en est ainsi, kama njo vile, alors tu seras un dictateur. Manake utakuwa mdikteta wa kusukuma watu kwa nguvu. Si tu veux sauver tout le monde sans exception, kama unapenda kuokola watu wote bila kuondosha tamaa, il faut être un dictateur. Inapasha ukuwe mdikteta. Et annuler la liberté de l'homme. Na kuondosha uhuru ya kuchagua mtu. Parce que mon malheur, wakati la liberté que tu as doté l'homme, ile uhuru ya kuchagua ne lui servira de rien. Haitamsaidia kukitu. À cette question, ile ulizo. À cette question, ile ulizo. La volonté de Dieu dit non. Ma pensée à Mungu ikasema hapana. Je ne voudrais pas être un dictateur. Mi si upe, si pende kuwa wa kukazisha bantu bitu. Et je n'agirai jamais contre la volonté de quelqu'un. Siwezi kama kutenda kinyume ya mapenzi ya mtu. Je ne peux pas briser la liberté de quelqu'un. Siwezi kuvunja uhuru ya kuchagua kwa mtu. C'est la raison pour laquelle Ndio kwa maana j'ai créé l'homme libre. Na limuumba mtu huru. Je lui ai doté d'un libre arbitre. Si maintenant j'ai supprimé son libre arbitre, à ce moment-là je ne serai pas juste. Parce que sa volonté et son libre arbitre est venu de moi. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. C'est ainsi. Il y a eu un débat dans le conseil de la volonté de Dieu. Il y a eu une vive discussion dans le conseil de la volonté de Dieu. Il y a eu un examen profond. Il fallait examiner chaque chose que la pensée de Dieu avait fournie. Il fallait examiner chaque chose que l'amour de Dieu par sa volonté avait résolu. Il fallait tout examiner pour mettre paix, de l'harmonie dans ce que Dieu voulait faire sur la terre. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi, comme je le disais hier, dans mon foyer, quand je parle, je pense que vous avez aussi le droit de bénéficier de ça. Parce que c'est ce qui amène de la confusion dans les théologiens, ces hommes que Dieu n'a jamais mandatés pour s'occuper de son peuple. Quand on parle de cette manière, ou quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer comme si Dieu avait plusieurs personnes individus autour de lui. C'est même là où vient la confusion des témoins de Jéhovah. Lorsqu'ils appellent Jésus comme la sagesse qui était auprès de Dieu, comme une deuxième personne qui a vécu à côté d'Elohim, vous voyez, parce qu'ils ne comprennent pas le langage de Dieu, ils n'ont pas été dans le conseil de Dieu. Ils ne peuvent pas discerner ce que Dieu dit et comprendre ce que Dieu a écrit dans la parole. Dieu n'avait pas d'autres individus à côté de lui dans l'éternité. Depuis que tu es avec moi, il était seul. Même toute la création n'existait pas. Le monde n'existait pas. Les cieux n'existaient pas. L'eau, le vent, tout n'existait pas. C'est lui seul qui remplissait le temps et l'espace. Toutes les choses que nous sommes en train de voir, c'était à Elohim. Voyez bien mes frères, nous l'avons dit, qu'Elohim est une personne comme toi et moi, mais sous la forme du surnaturel. Maintenant, à la maison, je disais ceci, je dis encore la même chose, pour que vous compreniez. À la maison, j'ai donné un exemple, et tout le monde, qu'est-ce que je peux donner comme exemple, que tout le monde comprenne ici. Ok, pasteur, donne-moi ma Bible. Pasteur, une passée Biblia. Ma Bible là. Il est Biblia yangu, il est. Ok. Pour que tout le monde... Un exemple pour que tout le monde comprenne. Mofano, du bas bote, ba pate kuelewa mzuri. Je suppose, je sais que vous n'êtes pas des voleurs. Ah, najua amuna bezi. Pour que tout le monde voie. Du bas bote, ba pate kuona. Moi, je mets cette Bible ici. Mimi naweka Biblia yangu pale. Et le culte est terminé. Na ibada inabalizika. Tout le monde rentre à la maison. Batu bote banarudia kuma nyumba. Mzee à la maison. Mzee anenda kwake, kila mtu anenda makazi yake. Et toi tu entres ici. Lakini wewe peke yako unaingia humu. Quand vous entrez, wakati unaingia humu, vous remarquez cette Bible? Unaona hii Biblia. Maintenant après ça, je vais dire, sasa kisha wewe kuiona? Le pasteur a laissé sa Bible ici. Oh, pasteur aliacha Biblia yake hapa. Tu ouvres la Bible. Unafungula Biblia. Tu regardes. Unaangalia mle ndani. C'est une belle Bible. Ni Biblia mzuri, kitabu mzuri. Iko mzuri mrembo. Elle a une bonne couverture. Iko na kifuniko ya mzuri. Pendant que tu observes, wakati ile ungaliki naangalia, une pensée, wazo moja, te dit, ikakwambia, il faut voler, pas prendre, voler cette Bible. Inapashi uibe hii Biblia, hapana kuchugua, kuiba. Itakusaidia. Et tu as l'intention de prendre la Bible. Na unakuwa na nia ya kuchugua hii Biblia. Et une autre pensée s'élève. Na wazo wengine nayo ikalamuka tena. Le pasteur l'a oublié. Pastori alisabu. Je vais prendre cette Bible. Tachugua hii Biblia. Je vais la mettre. Taiweka. Dans le rideau. Huko kumpembeni ya pazia. Parce que quelqu'un d'autre peut venir la voler. Jumutu mwingine akikuta atakuwa kuiba. Mais comme c'est moi qui suis entré le premier, quand ils viendront, ils voudront savoir qui était entré dans l'église. Et tout le monde croira que c'est moi. Alors pour ne pas être victime, je vais récupérer la Bible, je vais la sécuriser. Vous voyez, une autre pensée dit, il faut prendre cette Bible. Uchugue Biblia. Ne l'utilisez pas. Usitumikishe. Vous allez la cacher. Utenda kuificha. Et la vendre à Lubumbashi. Na kuiuzisha kule kulubumbashi. L'église est avec moi. Kanisa pamoja nani? Y a-t-il combien de personnes? Apa pego bantu ngapi? Qui discutent pour voler, protéger et prendre la Bible. Bale beko na bishana juu ya kukinga hii Biblia wala kuiba wala. Je vous pose vous la question. Y a-t-il combien de gens? Ni bantu ngapi hapa beko na bishana? Y a-t-il combien de pensées? Ni mawazo ngapi? Y a-t-il combien de pensées? Ni mawazo ngapi? Combien de pensées? Mawazo ngapi? Ya mingi. Ya mingi, hein? Na, y a beaucoup de pensées. Et y a-t-il combien de personnes? Sasa peko bantu ngapi? Malgré imawazo yote kuna kulamuka muro. Malgré toutes ces pensées qui s'élèvent dans ton cœur. Muko bantu ngapi? Vous êtes combien? Muko bantu ngapi? Vous êtes combien de personnes? J'ai unique. C'est ce qui arrive aux enfants, aux femmes, aux hommes. Baba n'a makuta. Papa a oublié l'argent. On a tafuta kuiba. Tu veux les voler. Un esprit te dit, si barubiri, muziari, ubiri, vale la taïba, oule, qu'on a mouinja, tenda mou enfer. Celui qui vole ira en enfer. Vous comprenez? Ah, c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé. Dans l'éternité. Il n'y avait pas plusieurs personnes dans l'éternité. Il n'y a eu qu'un seul homme, un seul être que nous appelons Elohim. Parce qu'à ce moment-là, il n'était même pas Dieu. Parce que Dieu est un objet d'adoration. Il n'y avait pas d'ange pour l'adorer. Il n'y avait pas de hommes pour l'adorer. Il était seul. Mais avec les attributs en lui. C'est ainsi la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, la présence de Dieu, tout ce que nous invoquons ici, ce sont les attributs d'Elohim. Maintenant c'est clair. Merci. Dieu ne voulant pas être dictateur. Mungu ashikupende kukazisha bintu wala kwa mudikteta. Et agir contre la volonté de l'homme. Na kutenda kinyume ya mapenzi ya mutu. Après délibération dans le conseil de ta volonté. Kisha kuongea mule mshauri ya mapenzi yake. C'est ainsi qu'Elohim, celui que nous appelons Dieu, décida de choisir et de sauver tout homme sur la terre sur base de la préscience de Dieu et sur base du libre arbitre de l'homme. Et Dieu se réserva de sauver les hommes par sa propre volonté. L'Église est avec moi. Nous ne sommes pas sauvés par la volonté de Dieu. Non. Nous sommes sauvés par l'amour de Dieu. Parce que c'est l'amour de Dieu qui conçut le plan pour notre rédemption. Et nous sommes sauvés, c'est par la préscience. Voyez, et nous sommes sauvés sur base de notre libre arbitre. C'est vrai. C'est de cette manière, dans le conseil de sa volonté, la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu, la sagesse d'Elohim et l'intelligence d'Elohim, la sagesse et l'intelligence C'est toujours les attributs d'Elohim. Maintenant, la sagesse et l'intelligence d'Elohim, dans le conseil de sa volonté, est entré en œuvre, travaillant pour mettre de l'harmonie, pour harmoniser la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, le libre arbitre de l'homme, la puissance de Dieu, sans écarter aucun élément qui était fourni par la pensée de Dieu, par sa volonté na mapenzi ya Mungu, et par sa préscience. Na kutangulia kujua kwa Mungu. Et na, la sagesse hekima, et l'intelligence de na Dieu ya Mungu, travaillant ensemble pamoya, en harmonisant toutes choses kupatanisha bitu biote, sans écarter bila kuondoshamo, la volonté souveraine de Dieu mapenzi ya utawala wa Mungu, et la libre volonté de l'homme. Na uhuru ya kuchagua kwa mtu. Dieu a fait cela. Mungu alifanya vile. C'est ce que nous avons montré. Dieu il est tulimionesha. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. Maintenant écoutez. Sasa musikilize. Dieu pour ne pas être injuste. Dieu ya Mungu asikue muzalimu. Pour que Dieu ne soit pas injuste, parce que nous allons parler de l'élection. Ce n'est pas aujourd'hui, plus tard. Leo, badai. Pour ne pas être injuste, Dieu ya Mungu asiwe muzalimu, dans son élection, mule mukuchagua kwake, Dieu par son conseil, Mungu kupitia shauri yake, laissa tout homme, akacha mutu wote, libre de choisir na uhuru ya kuchagua ce qu'il voulait, ile anapenda, pour ne pas être responsable juu Mungu asikuwe na ile buzito de la perdition de tout homme, ya kupotea kwa mtu wote, hapana. Pour que Dieu ya Mungu ne soit pas accusé d'injuste, basi mustaki asema ni muzalimu, pour qu'il ne soit pas responsable de la perdition de tout homme, Dieu dans son conseil laissa tout homme libre, que chacun soit responsable de ce qu'il veut. Mutu wote akuwe na buzito wa ile anapenda. Que chacun soit responsable de sa vie ou de sa mort. Mutu wote akuwe na ile buzito ya lufulu wake wala bushima bwake. C'est dans ce conseil ni mule mushauri ya Mungu que le conseil a décidé shauri ya Mungu ikachukua mipango de laisser à l'homme son libre arbitre ya kumwachia mtu abake na ile kipendaro yake ya kuchagua. Et c'est dans ce conseil de la volonté de Dieu ni mule shauri ya Mungu que Dieu a décidé jo mule Mungu alichukua mipango que même après la création de l'homme ya kwamba takisha kumuumba mtu après sa chute kisha kuanguka kwa mtu l'homme naîtrait dans ce monde, oui, dunia, chaque homme, kila mutu, chaque femme, kila mwanaume na mwanamke, qui qu'il soit, awe nani wala nani, d'où qu'il vienne, wapi, qu'il naisse, azaliwe, d'une prostituée, qu'il naisse, azaliwe, d'un devin, mufumu, qu'il naisse, azaliwe, de qui que ce soit, nani, Dieu a décidé de doter une bonne vie ya kumpatia maisha mzuri à tout homme qui naîtrait sur la terre. L'Église est avec moi. Le plus sage, l'homme le plus sage. Mutu wa hekima sana. Pour qu'il ne soit pas responsable de votre perdition. Ya kupotea kwako mwenyewe. pour qu'il ne soit pas injuste. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas d'injustice. Dieu est amour. Vous voyez, il est amour, il est la vérité, il est juste, il est droit. Il ne fallait pas qu'il soit accusé d'injustice, de la haine. L'Église est avec moi. C'est pourquoi Dieu, le conseil de la volonté dit, laisse à l'homme son libre arbitre. Comme ceux qui vivront sur la terre après la chute d'Adam ne seront pas responsables. Donne à chacun d'eux, peu importe d'où il vient, par quel moyen il est né, qu'il ait une bonne vie. Que Dieu vous bénisse. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Mubiri sura tatu. Chapitre 3. Sura tatu ya Mubiri. Dans son verset 11. Musari yake ya 11. Avant de lire d'abord ça. Bila ya kusoma ile. Prenons Ecclésiaste chapitre 7. Tuchukue kwanza Mubiri sura 7. Ecclésiaste, gardez votre main sur 3. Ecclésiaste 7, verset 29. Et nous allons lire Ecclésiaste 3, verset 11. Je commence au verset 27, mais j'ai besoin du verset 29. Voici ce que j'ai trouvé, dit Ecclésiaste. En examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Mukuchunguza kitu kimoya kwa kingine jua kupata msababu. La raison. Ah, kupata msababu. C'est-à-dire non. C'est-à-dire avoir pour comprendre la raison d'être de chaque chose. Ah, manake jua kuelewa sababu ya kila kitu. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Le verset 29. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. Ce que Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. L'Église est avec moi. L'Église est-elle avec moi? Seulement voici ce que j'ai découvert. Ce que Dieu a fait tous les hommes droits. Mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. C'est vrai. Ce sont les hommes eux-mêmes qui ont cherché des détours. Dieu, pour ne pas être responsable de la mort de quelqu'un, il a laissé tout le monde. C'est vrai. Regardez Proverbe chapitre 11. Proverbe chapitre 11. Gardez toujours Ecclésiaste 3, j'y reviendrai. Proverbe chapitre 11. Dans son verset 3. L'intégrité des hommes droits les dirige. Mais la sagesse est avec les humbles. Très bien. Jusque là, vous ne comprenez absolument rien. Est-ce que vous comprenez? L'Église, est-ce que vous comprenez? Je reprends. L'intégrité unyofu des hommes droits ya batu ya kunyoloka les dirige inabaongoza mais alakini les détours des perfides kwenda pembeni kwa batu baovyo cause les ruines inabaletea kuharibika. Dans d'autres traditions, il est dit, geuza kungine wanasema, les volontés, mapenzi, les volontés de, donc les volontés de perfides, mapenzi ya batu baovyo, cause les ruines. Inabaletea kuharibika. Mais dans le verset 2, il est dit, nasema, la sagesse ekima, est avec les humbles. Iku pamoja na banyenyekevu. La sagesse ekima, c'est savoir ni kujua, s'humilier ni devant Dieu. Mbele ya Mungu. Ne soyez pas distrait. Mushilengame. La sagesse ekima, c'est savoir ni kujua, s'humilier devant les plans de Dieu. Mbele ya mapu ya c'est savoir s'humilier devant la parole de Dieu. Mbele ya c'est savoir s'humilier devant la volonté de Dieu. Mbele ya mapenzi c'est ça la sagesse. Il est Dieu ekima. Un homme sage, mutu wa hekima, une femme sage, mwanamke wa hekima, c'est celui qui sait s'humilier ni ule anajua kujinyenyekeza devant la parole de Dieu, mbele ya neno la Mungu, devant la volonté de Dieu, mbele ya mapenzi ya Mungu, lorsque cette volonté lui est exposée. Wakati ile wanamuletea mapenzi ya Mungu. Vous voyez, unaona, l'intégrité des hommes droits unyofu wa batu ba kunyoloka les dirige, iku na baongoza, mais alakini, les détours des perfides des insensés kwenda pembeni kwa batu ba bajinga, ah, des insensés bajinga cause leur ruine inabaletea kuharibika. Vous les verrez même plus tard. Utaiona baadaye. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ni kweli dada. Dieu Mungu a créé tout homme aliumba kila mutu bon mwema droit wa kunyoloka. L'église est avec moi. Leti kanisa mnafuata. Voilà la raison pour laquelle Dieu sababu yenyewe quand un enfant naît wakati mtoto anazaliwa si il mourait kama kikufa avant l'âge de la conscience mbele ya kukomala Dieu ne le condamne pas. Mungu hawezi kumhukumu. Il est sauvé. Anaokolewa. Il a la vie éternelle. Eko na mujima wa milele. Il ira au ciel. Atenda kumbingu le mtoto. Même s'il est né hata kama ni mwenye kuzaliwa d'une prostituée kwa mkaba Dieu Mungu le sauve. Atamokola ule mtoto. L'amour de Dieu mapendo ya Mungu l'amène au paradis. Inampeleka mparadiso. Même s'il est né hata kama alizaliwa d'un devin kwa mufumu d'un magicien kwa mtu wa madawa d'un meurtrier kwa muuaji cet enfant qui est né là mtoto anazaliwa mère avant la de la conscience anakufa mbele yake kukombe il est responsable. Il n'est responsable de rien. Dieu l'amène au paradis. C'est encore la raison pour laquelle toute fille qui naît même d'une vierge même d'une prostituée pas d'une vierge, d'une prostituée toute fille qui naît d'une prostituée l'amour de Dieu la compassion de Dieu la grâce de Dieu lui dote de la virginité. Dieu ne refuse pas de la virginité aux filles des prostituées. Ataka bari muzaria mubar. Même si elle a été mise au monde. Ataka bari muzaria mubar. Même si c'est au bar. Ataka bari muzaria. Même si on a mis au monde. Munyumba ba mifumu. On a enfanté dans une. Ataka bari mupaka la mpemba. Même si on a appliqué des kaolin sur elle. Ataka baba yake. Même si son père. C'est un grand meurtrier. Ni muaji mkubwa. Mapendo ya Mungu. L'amour de Dieu. Buluma ya Mungu, la miséricorde de mutoto mwanamke ote eko nazarikwa Mungu wa kumbingu anamupatia bubikira juu ya kuonesha kusema ana naye mambo Il y a quelqu'un qui a un signe d'amour de Dieu. La virginité Mubikira pour une fille, wabinti, c'est un honneur. Ni yeshima, frère, Nduku, Dieu Mungu a honoré tellement la femme sana que même depuis l'éternité, umilele, Dieu a pensé Mungu aliwaza, à la protéger, kumukinga, wala kumulinda, à l'honorer. Kumweshimisha. C'est vrai, frère. Ni kweli Nduku. C'est vrai, ma soeur. Ni kweli dada. Dieu n'a jamais, Mungu ashia, il n'y a jamais eu un enfant. Akuya kuyaka mtoto, une fille née d'une prostituée, binti wa kuzaliwa kwa kaaba, sans virginité, azaliwe bila kwa na bubikira, ça n'existe pas. Abinako, l'église est avec moi. Munafata. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous ne comprendrez alors rien. Vous ne comprendrez pas comment nous sommes sauvés. Vous ne comprendrez pas comment le salut a été conçu. Oui, bien aimé frère. Mungu yote kuna zari kwa. Mungu anampachia uofu wa moyo. Bien que ndani. Maintenant attention. Bien que ndani ya mwili yake. Une fille, Dieu lui donne la virginité. Ce sont les hommes eux-mêmes. Vous voyez, qui ont cherché les détours. Akuna muntu mtoto anasari kwa kabulevi. Inyao kena faki ene ivroi. Freja Maria unesha kumona. Freja Maria avevu deja viena faki ene ivroi. Frere mwebote hava. Butusi. Na vale bote kuna nifuata mulini. Meme butusi kimesuiva en linya. Ni nani anesha kuzalaka mtoto mwanume. Kia deja mizo mwanume. Mufutari ya amba. Ena faki. Mujambazi. Kesa nesansi kie deja fumeur di chambre kie bandi. Nani. Ki celui la. Quand tout enfant est né, ils sont beaux quand ils naissent. Donc gentils. Ils sont très doux, gentils. Oui, bien mes frères. Akuna mutoto na zali kuaka. Mwinji, musharati, anako. Il n'existe pas. Tout enfant qui naît, il est droit. Toute fille qui naît, a sa virginité. C'est quoi kunyoloka? Elle est droite. Dieu n'est pas responsable. Mungu ana na ile qui le voit au coléo, c'est que tu es devenu ni qui pendaro yako. C'est ta volonté. C'est vrai, frère. Bien kweli nduku. Aina ta mapenzi ya shetani. Aina mapenzi ya Mungu. Qui le voit au coléo, c'est que tu es devenu ni qui pendaro yako. C'est ta volonté toi-même, ton libre arbitre. Ça, c'est l'homme le plus sage. Dans son conseil, de sa volonté, a tout harmonisé pour qu'il ne soit pas responsable de la mort de quelqu'un. Il ne soit pas accusé d'injustice. Frère, ma soeur, vous tous les enfants, Baba Zazi, venez quoi mini mujumbe, qui croyez à ces messages. Munazari kwa mkubikira. Vous êtes né avec la virginité. Kisha bane mongoza ndana hii kanisa ndana hii mjumbe. Vous a conduit dans ce message. Unavunja mkubikira yako mwi kanisa. Vous brisez votre virginité. Unavunja mkubikira yako mjumba bazazi. Vous brisez votre virginité dans les toits paternels. Vous payerez trop cher. Vous mutasamba mutalipa mbele ya Mungu. Mweba jeune frère bote. Vous tous les jeunes frères. Unazaliwa mujama. Qui est né dans papa mwaminifu. La famille là où les papas est croyant. Mama mwaminifu. La mama aussi. Même kukomea. Mais en grandissant. Unakuwa mujambazi. Tu deviens un bandit. Unapenda unakuya mwinji. Tu deviens voleur. Unaanza kufuta ntumbako huko na kunywa tu mabosi juu ya barafiki wa makariere. C'est vrai, vous payez. Kweli mutalipa. L'église est avec moi. Kanisa mnafuata. Ule alivunja mubikira mupagano ni mambo ile ni mambo la grâce de Dieu. Celui qui a brisé sa virginité pendant qu'il était païen. Mais ceux qui viennent à la foi. Beko déjà mupagano ile ni mambo ingine. Déjà païen là c'est un autre problème. Mais ouais on a zali quoi? Mais toi tu es né. Munyumba ba ministre. Dans la maison des croyants des chrétiens à la Kini. On a osé à. Tu te munyumba ya ba ministre. Si tu es chrétien, je ne sais pas. Si tu es mon tocolé, je ne sais pas si tu es. Si tu es mon prédestiné, je ne sais pas si tu es. Il est dominé dans ses mains. Ça, c'est moi qui dis. Kama muti, si un arbre, muti mubichi, un arbre, il a kaukia, et séché, mumai, pendant qu'il est dans l'eau. Ça, ni mai ambekechi. Est-ce que c'est l'eau d'un seau? Dieu, il était tifouche. Qui va le faire devenir fraîche. Bourgeonner. Le faire bourgeonner. L'église est avec moi. Et si... Muntu anava, anakauki, muchi nakaukia. Un arbre qui devient sèche, tout en étant avec ses racines dans l'eau. Il a kauka. Et l'arbre devient sec. Ça, comment on a quoi na maï ambekechi? Mais si vous avez un peu de temps, on a une petite quantité d'arbre pour que ça pousse. Il a chipuka. Et ça va bourgeonner. Mutoni naka inashindwa kuchipusha muchi. Toute une rivière yo, ma, maï, ya kumwangia, yo ite chipusha. Asperger, ça va le pousser à bourgeonner. Tu comprends? Na wasi on a élevé les gens qui ont. Ça va, tu vas développer cela. Vous voyez? Unaona. Qui comprend ce que je dis? Nani anaelewa ile mimi nasema hapa? Non, la semaine dernière, c'est moi. Je croyais que j'ai parlé de moi-même. C'est vrai. Que Dieu nous fasse grâce. Mungu atufanyie neema. Ils ont Ecclésiaste. Tu sommes mobiri. Ecclésiaste chapitre 3. Mobiri sura 3. Voilà le travail du conseil de la volonté. Dio kazi ya shauri ya mapenzi ya Mungu ile. Écoutez. Musikilize. Commençons verset 10. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée d'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, l'œuvre de Dieu, du commencement jusqu'à la fin. Écoutez encore l'amour de Dieu. Réveillez-vous. Regardez l'amour de Dieu. Dieu, il fait toutes bonnes choses à son temps. Frère, vous arrivez à quoi comme oui qu'ils agissent. Le fait que tu es né dans cette génération, c'est la volonté de Dieu. Et c'est une belle chose que Dieu a permis que tu naisses dans cette génération. Toi frère, kupatikana ndani ya hii kanisa. Se retrouver dans cette Kambov. Dans cette cité de Kambov. Frère. Ndugu. C'est une bonne chose. Nikitu kizuri. Voilà, de la part de Dieu. Kwa upande wa Mungu. Peut-être wa kuyuake. Peut-être toi tu étais au Kasai. Tu étais au Kasai. Ulikuwa kule kumanyema. Tu étais à Manyema. Bali pasha hata kukua. On devait même te mai mai. Parle mai mai. Mungu mvuluma yake. Dieu par sa miséricorde. Il a fait une belle chose à son temps. Anakutosha ukasai we. Utasorti di kasai. Wende kulumbashi hapa. Kulumbashi. Wende kokolozi hapa. Alia kolozi no. Je tawa. Ruma na kutuma alikasi. Je kiloko Kambov. Peu de jours tu arrives à Kambov. Ce n'est pas par hasard. Aina kwa kubatisha tu pake hivi hapana. C'est une belle chose que Dieu fait. Ni kitu kizuri kile kwa son temps. Wakati yake. Voyez mes frères. Non, ndukumpeni. Quand tu es né, c'est une belle chose que Dieu a fait à son temps. Maintenant, regardez. Pour montrer que Dieu est bon. Ana na mambo na mtu ata moya. Atari zaliwa kwa njaba ndumba. Njaba mwiji. Dieu a mis dans chaque homme la pensée d'éternité. Dieu kwa maana kila frère hapa. Kila sœur hapa. Muro yake aminiaka sema atakufua. Na apenda ke kufua. Et il ne veut pas mourir. Tunajua sasa tutakufua. Ni juu ya sauti ya Mungu inatuambia kusema mtu yote atakufua. Mais la pensée qui est en nous, tunakatalaka kufua. Nous refusons la mort. Ata mtu ayue Mungu. Même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Je l'ai déjà dit une fois ici. Nisha kuisemaka hapa. Ata baba yabo. Même au mama yabo. Eko mkitanda ya magonjwa. Me eko na pumuzi, eko na pumuzika. Me ki respire encore. Eko na teswa sana. Il souffre dans sa maladie. Eko na yambia papwashia, pa kitanda eko na koyoria. Sur le lit. Mwe bale eko na muobserve, beko na muchunguza. Kama unakuwa namwambia kusema. Si vous venez lui dire, papa. Déjà uko na 80 ans. Tu as déjà miaka 18. Ufwa tu. Mère seulement. Wende kapumuzi. Pour que tu ailles te reposer. Atakwambia sema uko muloji. Je dirais que tu es sorcier toi. Parce que personne ne peut ne veut mourir. Hakuna mtu la napenda kufa. Tout homme. Ata eko mukitanda magonjwa. Anatumainia paka kuishi. Anasema Mungu wa kumbingu atanitosha mu hospital. Me sortira de l'hôpital, mais réussira. C'est ce que vous voyez. Les gens sortent de l'hôpital à cause de leur foi. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Je peux donner même un témoignage ici. La sœur Jeanne est ici. Il y a eu un temps, la sœur Jeanne. Elle est hospitalisée. Elle a fait presque 4 mois, si j'ai une bonne mémoire. À quoi qu'hôpital, la femme a mis un peu de temps. Il n'y a personne qui croit que la sœur Jeanne pourrait encore revivre. Elle sera encore assise là-bas. Eko natembea natoka na kule kudiscoveria na kule. Marche même du côté discovery. Anatoka na magoti. Et sa genou même. Mie huyu. Moi même ici. En tant que son berger. Sawa mchungaji wake. Je suis allé une journée. Il est ndaka siku moja. Mukuona wakati kona ngaika. Je voulais faire avec elle. Mimi fanya naye. Un dernier entretien privé. Kuongea naye. Pourquoi si son âme était prêt pour partir. Kama nafsi yake ilikuwa tayari juu ya kuenda. Akakokota kichi na kokota kichi. Je tire ma chaise. Nekala kumpembeni. Je suis assis. Je commence à parler avec la sœur. Elle est là. Naanza kuongea na dada yeye ule. Pour préparer son départ. Kutayarisha kwenda kwake. La sœur me dit. Dada kaniambia. Il n'y a rien à moi. Pastor. Je n'ai pas de péché. Je m'attends qu'on s'est. Vous voyez, mes frères, si c'est la volonté de Dieu, nous allons nous retrouver à l'église. Elle est là. En tant qu'humain, je crois qu'elle devait partir. C'est celle qui était forte ici. Mais la sœur Godet vient de l'Ukraine. Mais la sœur Jeanne est restée. La vie et la mort se trouvent entre les mains de Dieu. Voyez bien mes frères. Alors je disais quoi? C'est pour vous exprimer que dans Yesu, nous pensons à couiche milère na milère. Dieu ne nous a pas créés pour mourir. C'est le péché qui nous a amenés ici. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour souffrir. C'est le péché qui nous fait souffrir. C'est pourquoi. Il n'y a personne Anesha kuzobele ya mateso. Qui s'est habitué à la souffrance, il n'y en a pas. Chez vote tunavumilia mateso. Nous en dirons seulement. Mes frères. Kila dada hapa, kila frère hapa, hawezi kusema mimi Anesha kuzobele mateso hapana. Hatuzobele mateso. Tuko na kuvumilia mateso. Nous en dirons. Hatuna cha kufanya. Parce que nous manquons quoi faire. Nani anapenda kuwa locataire? Qui veut devenir locataire? Nani anakatala motoka? Qui refuse d'avoir un véhicule? Ni nani katikati yenu hapa? Qui parmi vous ici? Anakatala kuwa directeur mwe bakutumika. Refuse d'être directeur. Kuwa directeur wa société. D'une entreprise quelque part. Nani anakatala? Qui refuse? Nani anakatala? Anza kutembea mu avion. Dérouler par avion. Je vote hapa. Tous ici. Tunapenda tuishi. Musalama. Dans la paix. Je vote la peine. Tukuye bien. Tu voile bien. Tu lale bien. Tu cure bien. Je vais m'agonjoa. Parce que c'est que Dieu avait mis en nous. Une situation tout qu'on a eu, une situation à matesse à cause du péché. Y a matesse de souffrance. Je commande. C'est pourquoi. Tout qu'on a vomi. Nous endurons. Nous avec l'espoir. Qu'un jour, notre Seigneur, notre Rédempteur, notre Dieu viendra nous sortir de ce corps d'humiliation. C'est ce qui fait notre joie. Pour les élus, il n'y a pas la souffrance éternelle. Pour ceux qui sont sauvés, la mort a déjà disparu. Vous pouvez aller vous reposer pour un temps. Et vous allez revenir lorsque Jésus-Christ viendra vous chercher. C'est vrai. Si tu es déjà parti, votre théophanie viendra chercher votre corps glorifié sur la terre. Et vous serez enlevé avec le Seigneur. Vous voyez, mais chacun de nous a la pensée d'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je disais ceci pour retourner à ce qu'on enseignait. Dieu ne voulait pas être injuste. C'est dans son conseil, sa volonté, qu'il laissa tout homme libre, voyez, de choisir ce qu'il voulait. Et Dieu ne voulait pas être responsable de la mort de quelqu'un. C'est ainsi que le conseil de la volonté de Dieu a doté, a laissé à tout homme sa liberté, son libre arbitre, et lui a donné une vie droite, une bonne vie. Et même en lui, il lui a donné la pensée d'éternité. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Le conseil de Dieu dit à Dieu, regarde, peu importe votre amour. Le conseil, nous sommes tous dans l'éternité, dans le conseil de sa volonté. Alors, peu importe votre amour éternel, votre bonté, votre miséricorde envers l'homme, peu importe ce que tu feras pour l'homme, il y aura toujours des ingrats. Des ingrats. Ça, c'est la conseil, c'est la présence qui lui dit. Il y aura toujours des ingrats. Peu importe ce que tu feras pour eux, ils rejetteront tout ce que tu feras pour eux. Même si vous descendez dans la chair, ils vous voient souffrir. Vous versez votre sang pour les sauver. Il y a des ingrats. Même si vous les tendez, la main de miséricorde, la main d'amour pour les repêcher, il y a des ingrats. Ils ne reconnaîtront jamais ta bonté, ton amour, ta grâce. Ils continueront à les rejeter. Oui, bien-aimés frères. La présence dit, dans les causes de la volonté. Même si vous souffrez pour eux, même si vous mourrez pour eux, même si on vous fouette, même si tu es blessé, même si tu es pendu au bois du calvaire, même si tu fais n'importe quoi, même si vous ressuscitez son enfant, même si lui-même vous le ressuscitez, même si lui-même vous le ressuscitez, il n'aura pas égard à ta volonté, à ta bonté. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Il y a des hommes ingrats. Même dans la vie. Peu importe les bienfaits à son égard. Lui, comme on appelle Kukuripa, il va te payer. Il te paiera toujours en des gens comme ça. Des ingrats. Shukrani, qui ne peuvent pas remercier le Seigneur. Ce sont des méchants. Un méchant est un homme sans pitié. Un homme sans pardon. Un méchant. Son cœur est tordu. Son cœur est tordu de manière qu'il ne veut pas se redresser. Il a un cœur tordu, un cœur perverti. Il a un cœur perverti. Il a un cœur perverti sur base de son libre arbitre. Nous allons expliquer cela. Écoutez, Satan Il sollicite l'homme ou la femme. Que ce soit Moucharati, que ce soit Mouige, que ce soit Mouziote. Ou à faire n'importe quoi. Qui est mal. Ce n'est pas Satan qui tient quelqu'un par la main. Et lui faire force. Moucharati, Mouige, non. Le vol ou la bouteille, c'est faux. Tout cela qui dit, c'est Satan qui m'a fait faire. Mwanaume wote, tout homme, toute femme pour commettre adultère, Satan ne peut pas les transporter. C'est la femme elle-même atatoka, qui va quitter na mikulu yake, avec ses jambes. Lorsqu'on le fait entrer dans le château, je ne sais quel endroit, c'est elle-même, d'elle-même. Ce n'est pas le diable. Ce ne sont même pas des démons. Voyez bien mes frères, il est fait sur base de votre libre arbitre. Vous voyez bien mes frères, voyez bien mes soeurs, c'est pourquoi il y a des hommes ingrats. Elohim les avait déjà vus dans l'éternité. Et la présence dit dans le conseil. Il y a certaines personnes qui nous allons vous montrer comment nous avons c'est lui qui va t'enfoncer dans la voie que toi tu as choisi toi-même. Comme Dieu aussi, c'est comme ça que Dieu fait. Si tu aimes tellement Dieu, Dieu viendra. Il t'enfonce dans de bonnes choses que tu as choisies. C'est vrai, frère. Il y a des ingrats. Peu importe ce que Dieu a fait pour eux. Ils ne peuvent jamais être reconnaissants devant Dieu. Quelqu'un qui était seulement absentéiste. Quelqu'un qui n'avait pas d'emploi. Un chômeur. Priez pour moi que je puisse avoir de l'emploi. Et on prie pour lui, il a besoin d'emploi. $300. Dès qu'on commence seulement à les payer les salaires de $300. La même personne qui demandait à Dieu de lui donner pour manifester que c'est un ingrat. Au lieu que son argent soit utilisé dans les voies droites, il prend son argent, commence à donner aux prostituées, commence à fumer la cigarette. Ananza kuviole bafiye babatota benyeo. Commence à violer les filles d'autrui. Anaanza kwenda nayo kwa mifumo. Va commencer à consulter les devoirs avec cet argent. Voilà l'ingratitude de l'homme. Dieu kukosa shukrani kwa Mungu. L'église est avec moi. Kanisa mnafuata. Et Dieu na Mungu avait vu des gens comme ça. Alitanguliaka kuona watu. C'est pourquoi la préscience. Dieu kwa maana kutangulia. Premier à la volonté de Dieu. Dans les conseils de sa volonté. Mshauri ya mapenzi. Fais ton amour. Aizuru mapenzi. Fais les gestes d'amour. Aizuru vitendo vya mapenzi. Fais les paroles d'amour. Aizuru mishauri adressé aux hommes sur la terre, certains d'entre eux ne voudront même pas s'approcher de toi. C'est vrai, frère. Ils les refuseront. Ils sont des ingrats. Esaïe 26. Sura 26. Lisons Esaïe 26. Nous sommes Esaïe 26. Esaïe 26. Isaïe, sura makumbi na sita. Dans son verset 10. Mustare yake ya kumi. Si l'on fait grâce aux méchants, kama ukifanshia neema mtu mbaya, il n'apprend pas la justice, ashijifunze uwaki, il n'apprend pas à vivre dans la justice, ashijifunze kuishi muwaki, il se livre au mal, anajitumbukiza mbaya, dans le pays de la droiture, mwinchi ya unyofu, et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Ashishitu kata buku wa Mungu. Ana tana heshima, il n'a pas de garde. Ana na heshima kwa heshimia Mungu. À la majesté de Dieu. Buku wa Mungu. Il n'a pas de crainte de Dieu. Ana na boka kwa kuogopa Mungu. C'est vrai, frère. Bia kweli nduku. Si l'on fait grâce aux méchants. Ukifanshia neema mtu mbaya. Les méchants. Mtu mbaya. N'apprend pas. Ashesi kama. À marcher dans la justice de Dieu. Ukifunza kutembea muwaki ya Mungu hapana. Après que Dieu lui a fait justice, il se livre au mal, même dans les pays de la droiture, dans les lieux là où on doit vivre saintement. C'est ce que vous faites pour toi, frère, et toi, sœur. Ulitoka mudunia, Mungu anakuita, uko mwaminifu mukanisa, uko nasharatika mukanisa, uko natukia bantu mukanisa, uko nalewa mpombe mukanisa, suivi comme un démon dans l'église. Et pourtant l'église, c'est le lieu saint, c'est la maison de Dieu, où tout homme doit apprendre à vivre saintement dans la crainte du Seigneur. C'est ici où on apprend les hommes à marcher correctement. Oui, ou comme un minifou, mais ou comme un maïs à bougnoka. Tu as une vie d'un serpent. Tu vis comme un démon. Il n'y a aucune différence entre toi et le diable. Bila mpaka nuko nafuanya, ndio ndio bila uko nafuanya. Entre temps qu'on asema uko mtoto wa Mungu. Entre temps tu te réclames étant enfant de Dieu. Bila bandumba uko nafuanya, ndio uko nafuanya. C'est que les prostituées font, c'est ce que tu fais aussi. Uko nafuanya sawa ndumba, uko nijipamba sawa ndumba, uko nasema sawa ndumba. Tu parles comme une prostituée. Uko mkanisa, tu es dans l'église. Uko nafutari amba, uko nakombana na bantu. Tu te bagarres. Tu ne connais pas l'amour de Dieu. Tu ne comprends pas l'amour de Dieu. Tu ne vois pas la grâce de Dieu. Tu es un ingrat. Où comment tu vas aller dans l'amour? Dès qu'on a foigné 600 kilomètres, 600 kilomètres pour écouter une seule prédication deux fois par semaine. Oui, ingrat que tu es. Tous les jours, Dieu descend pour t'instruire. Dieu descend pour te parler. Dieu descend pour t'enseigner. Pour te corriger dans son amour. Mais, ingrat que tu es, tu continues à vivre dans la méchanceté, dans le péché. Vous voyez bien mes frères, tu exerces mal ton libre arbitre. Tu exerces mal ta liberté. Vous voyez bien mes frères, vous voyez bien mes sœurs. C'est pourquoi les ingrats seront châtiés sévèrement par le Seigneur. Voyez bien mes frères. Dieu te fait grâce. Les portes de l'assemblée milango ya kanisa sont ouvertes. Ikuwazi. pour que tu viennes adorer. Écoutez la parole. Priez. Tu ne viens pas. Voyez bien mes frères. Tu es dans des compagnies de mauvaises gens. Pendant qu'il y a des frères et des sœurs, ils voulaient aussi être dans la présence du Seigneur. Que les rassemblés, que les portes de les rassemblés s'ouvrent pour écouter même ces paroles. Mais ils ont été empêchés par la guerre, par des troubles, mais les ingrats, même si on les fait grâce, tout en étant dans les pays de la droiture, ils ne reconnaissent pas la bonté de Dieu, ils ne voient pas l'amour de Dieu. C'est vrai, frère, ils n'ont pas de respect, ils n'ont pas d'égard à la majesté de Dieu. C'est vrai, frère. Et Dieu a dit savant. La préscience pose la question, elle retourne la question à la volonté de Dieu et à l'amour de Dieu. Est-ce que l'amour de Dieu, est-ce que tu vas sauver même ceux qui taïssent, même ceux qui te rejettent, tu vas les sauver? Et l'homme dit non. Je vais aimer tapenda ceux qui m'aiment. C'est tout. Kunaish. Je vais sauver taokola ceux qui me désirent. C'est vrai, frère. Bia kweri nduku. Moi aussi, na mie pia, je vais honorer taeshimisha ceux qui m'honorent. Bale banani eshimu. C'est vrai, frère. Bia kweri nduku. C'est vrai, ma soeur. Bia kweri dada. Même aujourd'hui. Ata leo. Hakuna mtu hata moyo. Il n'y a personne. Ule roho yake pour qui son cœur. Iko na mtamani Mungu. Désire Dieu. Mungu ashinde kumokola. Et que Dieu m'aime. Non. Aina kutamani kwa mukinywa. Ce n'est pas désiré par la bouche. Non. Ona se mukinywa mimi nampenda Mungu. Même roho yako unapenda Shetani. J'aime Dieu aussi longtemps que dans ton cœur tu aimes Satan. Non, frère. Apana ndugu. C'est ainsi que Dieu, après délibération, était obligé d'agir selon la volonté de l'homme et de respecter la liberté de tout homme, même dans le salut. C'est pourquoi à Élie, Dieu lui a dit ceci. Mungu alimwambia hivi. Premier Samuel. Samuel wa kwanza. Premier Samuel chapitre 2. Samuel wa kwanza sura ya pili. Premier Samuel chapitre 2. L'église est avec moi. Samuel wa kwanza sura ya pili. Je pense que c'est une bonne leçon, hein. Na waza ni mafundisho mzuri. OK. Mzuri. Premier Samuel. Samuel wa kwanza chapitre 2. Sura yake ya pili. Dans son verset 30. Écoutez, c'est pourquoi. Voici ce que dit l'Éternel Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Très très attention par quand je crois. Nous savons que sur cette écriture, l'Église, réveillez-vous. Nous allons continuer. Tout a indélé. Ni Mungu, c'est Dieu. Parle Anaïta Élie. Lorsqu'il a appelé Élie, sa kuhani, comme sacrificateur, anamwambia kusema. Il lui a dit que. Moi Dieu. Wakati yote utatembelea mapenzi yangu. Toutes les fois que tu marcheras dans ma volonté, nitakuheshimu. Je te ferai honorer. Nitakubariki. Je te bénirai. Nitakuwa pamoja na wewe. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Nitakuwa pamoja na wewe. Tout le temps Mouakatiyoti, que lui a marché selon la volonté de Dieu, aucun mal ne lui est arrivé. Hakuna kibaya atakimwa kinimufikia. kuanzia mtoto yake, de son jeune âge. Il marchait dans la crainte. Alikuwa anatembea katika boka. Il enseignait ses enfants la crainte de Dieu. Alikuwa anafundisha watoto wake boka bwa Mungu. Dieu était avec lui. Mungu alikuwa pamoja naye. Et il était béni. Na alibarikiwa. Élie anafika mbuze. Élie est arrivé à sa vieillesse. Parce que bantu mbuze. Parce que les gens lors de la vieillesse rigueri ne bakosaka. L'église est avec moi. Banakosa ukali. Discipline n'est pas pour ça. Utarativu, ils n'ont plus de discipline. Éducation. Quand madavisho. Inekalaka. Inalekea. Ça baisse dans leur vieillesse. On est venu dire à Élie que tes enfants là, tes héritiers, et qui vont t'hériter à l'œuvre de Dieu, regarde ce qu'ils font. Ils couchent. Na badada mukanisa. Avec des sœurs dans l'église. Bale kuna kwa sema kuabudu bale. Ceux qui viennent pour adorer. Bale kuna profite. On les profite. Bane babeba. On les prend. Bana lala na. Et couche avec. Angara kubale bale kuna fuwa. Regardez le mal qu'ils font. Bana bale ba bana unwe kuna kuya kutoa masadaka. Ah, les hommes qui viennent offrir. Bale kuna fona violence. On les fait violence. Avant que même. Bele ata. Qui puisse se sacrifier. Il est graisse à kupatia Mungu. La graisse qui est dédiée à Dieu. Élie était informé. Élie a rijulishwa de l'inconduite de ses enfants. Ya kujongoza kubaya kwa watoto yake. Mais Élie anakuya na ita. Mangalivyo na ita. Mais Élie vient le soir là, il appelle. Il a réuni ses enfants. J'ai appris, les gens ont dit que vous couchez avec les sœurs dans l'église et vous méprisez ma sadaka. Ah, cela vous concerne, c'est votre problème. Hein? Ah, c'est votre problème, ça vous concerne vous-même. Il ne faut pas détruire l'œuvre de Dieu, c'est votre affaire. Je ne veux pas ce que vous faites là. Marchez correctement. Dieu a regardé le cœur d'Elie. Il parlait avec légèreté. En ce qui concerne l'éducation des enfants, il faut éduquer les enfants correctement avec ton cœur. Si tu ne veux pas avec la dernière énergie, il faut batoto yako bayua kusema, papa apenda ke iki, maman apenda ke iki. Que papa n'aime ce, batoto yetu, nos enfants, batoto yetu, nos enfants, abana ba malaika, ce ne sont pas des anges, qui ont le droit de faire n'importe quoi. Non, frère. Oh, ils ont leur volonté. Oh, ça sera la dictature. Dieu lui-même n'a pas exercé la dictature. Oh, Bumbafu, tu ne comprends pas. Tu situes mal la parole de Dieu. Tu comprends mal la parole de Dieu. Va donc, va le Mungu aritupachi. Aritupachi à Bujito. Yakuba élevé. Yakuba ongoza. Ufuatana na neno la Mungu. C'est notre responsabilité. Si les enfants ni ouais baba, ni ouais maman, père, responsable. C'est toi qui es fautif, qui es responsable. Comment expliquer que l'enfant que tu as mis au monde, tu l'as fait grandir dans l'église. Tu l'as élevé dans l'église. Mutoto akutomboka munyumba yako. Et que l'enfant se rebelle dans Bana ta maison. Banamupa mimba munyumba yako. On l'engrosse dans ta maison. Weye mukrisu, unapokelea batoto bundumba munyumba yako. Tu reçois les enfants de la prostitution dans ta maison. Tout en souriant, tu n'as même pas honte. Et Dieu va t'honorer. Na Mungu naye atakuheshimisha. Tous les tutoto ya nyoka tous les beko na kuletea munyumba. Ces enfants de serpents qu'on t'amène dans ta maison. Jo tutakuangaisha mbuze. Ce sont ceux-là qui vont t'amener tutakomea, la tribulation dans ta maison. Tutakuangaisha. Tu seras tourné. Ça dit d'abord des tutoto ya nyoka. D'abord ce sont des enfants. Ni tu pagano tu ba filistin. Tu la kuingilia munyumba yako. Tous les tutanga kutakisa semo komuloji. Utenda mukaburi na machozi. Tu iras dans la tombe avec larmes aux yeux. Benjiako, tes amis, beko na kufwa, imer, banenda na eshima, honorablement. Banenda na fura. Ils partent dans la joie. Muro yao wanasema. Dans leur cœur ils disent. Tulitumikia Mungu. Vraiment nous avons servi Dieu. Na bankana yake, na watoto yake, banashindikiza baba yabo, kambo yabo, mheshima, kufura. Dans la joie et dans l'amour. Weye. Mais toi, tumkana yako tutakuchomeaka munyumba. Tunyoka tule, tuko nazari kwa munyumba yako. Tunazari kwa mubundumba. Dans la prostitution. Tunakomea mubundumba. Dans la prostitution. Leo unetupokelea munyumba sa malaika. Chunga. Attendez. Maripo ya Mungu iko na kuja. La récompense de Dieu. Kile uko na otesha, ndio kile utavuna. C'est ce que tu vas récolter. Aina pale uko na otesha, ndio uko na vuna. Que tu vas récolter. Hapa berce tutoto ya nyoka. Continue à bercer les enfants de tes enfants. C'est comme Sara, berce Ismaël. Arwana chunga Ismaël. Mraya mambo ilifikia Sara. Sara ndio alipatia kaga. Sara kiave. Anabeba agar anampatia. A donné à anampatia Abraham. Anampatia. Asema anipatie kwa mtoto jua kulitosha kwa haya. Wale bankana huko natafuta. Bambuelewele. Les petits fils que tu attends. Patakulipa. Dans la mauvaise voie, ils vont te payer. Sarah était là, Ismaël. En train de bercer. Ismaël ne savait pas que c'était un enfant de serpent qui berçait. Où t'arrive pas? Tu payeras. Oui, frère. Toi, frère. Batotoyako, tes enfants sont des voleurs. Tu étais à l'école de dimanche. Ils deviennent voleurs. Il y a des frères. Ils sont avec des frères ici. Mais leurs amis intimes. Les bandits de carrière. Où est-ce que tu es maudit? Kule ukumbele kule kunaenda kuko kueushi. Là où tu vas, c'est sombre. Na tule tutoto ya tutoto ya banyoka ukoweka munyumba. Avec ces petits des serpents que tu gardes chez toi. Na tule tutoto yako tule tunaweza kuwa na barafiki. Avec tes enfants là qui bajambazi. Tes amis bandits. Hapo peko na kongoba juko na nguvu tutakupika michi. Ils te craignent parce que tu as encore la force. Ils vont te fouetter plus tard. Ils te diront que on n'a pas étudié que papa qui est sorcier. Non, mais je n'ai pas la sorcellerie. Non, tu nous as ensorcelé. Ils vont te brûler vif. Tu payes. Les enfants là que tu berces comme des anges là. C'est ça l'erre. Jokosa. Délie les sacrificateurs. Délie au Mukwani. Il n'était pas sérieux dans l'éducation des enfants. Cette parole de Dieu, que toi, avec tes enfants, tu les payeras. Tu les payeras. Ou t'as dit pas. T'es ripa. Tu les payeras. Oui, ou t'es ripa. Dio. Maintenant regarde. C'est même Dieu là qui avait dit à Élie. Nyumba yako. Ta maison. Mitaishikamisha. De génération en génération. Kaichunga na nguvu mbizazi kubizazi. Sasa écoutez. Maintenant musikilize. Comment il dit ici? Namna kani anasema hapa. J'avais déclaré. Nilisemaka. Nilisemaka j'avais déclaré. Que ta maison. Ya kwamba nyumba. Et la maison de ton père. Baba yako. Marcherait devant moi. Perpétuité. Et maintenant je dis, dit l'Éternel. Est-ce que Dieu change? Dieu change-t-il? Est-ce qu'il y a une situation à Élie? Il est mouchitoucha? Non! Ici, est révélé ce qui s'est passé dans le conseil de sa volonté. Maintenant dit l'Éternel, loin de moi, car j'honore celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Vous voyez, j'honore ceux qui m'honorent. Ceux qui me méprisent seront aussi méprisés. C'est ça la décision qui est sortie dans le conseil de la volonté de Dieu. Ceux qui m'honorent, je vais les honorer. Je leur donnerai la vie éternelle. Ceux qui m'aiment, je les aimerai. Je vais leur donner la vie éternelle. Ceux qui me rejettent et qui m'haïssent, moi aussi je les haïrai. Et ils seront en enfer. C'est vrai, frère. Dieu a encore dit cela à Saul. 1 Samuel chapitre 15. Samuel wa kwanza sura 15. Frère, hapana kucheza na Mungu. On se moque pas de Dieu. Bintu bya Mungu ifo kuibiwa mzuri. Les choses de Dieu sont connaître correctement et les honorer. C'est vrai, frère. Bya kweli nduku. Saul. Saulo. Prenez le verset 23. Musara makumi bina tatu. Et le verset 26. Na musara makumi bina. Le verset 23. Musara makumi bina. Je prends le verset, la dernière phrase. Na chukua tu msemo ya mwisho. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, Yehovah, l'Éternel te rejette aussi comme roi. Kutupa, ukatala, dans le verset 26, Samuel dit à Saul, je ne retournerai point avec toi, si na weye, car wani, tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus. Que tu ne sois plus roi sur Israël. C'est vrai, frère. Deuxième Samuel chapitre 22. Deuxième Samuel chapitre 22. Verset 26. Jusqu'au verset 28. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Na wewe unajionekanisha mwema. Avec l'homme droit, na mtu wa kunyoloka, tu agis selon la droiture. Na wewe unatenda kufuatana na unyofu. Avec celui qui est pur, na mwenye kwa safi, tu te montres pur. Na unajionekanisha safi. Avec celui qui est pervers, na mwenye kuharibika, tu agis selon sa perversité. Na wewe unatenda kufuatana na kuharibika kwake. Tu sauves le peuple qui s'humilie, unaokola bantu wenye kunyenyekeza. Et de ton regard, na mkuangalia kwako, tu abaisses les orgueilleux. Unashusha bakiburi. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. C'est dans les conseils de la volonté que Dieu prend ses décisions. Voyez bien mes frères. Après délibération, la sagesse, l'intelligence pour harmoniser toutes choses, la décision est venue. Elohim maintenant décide. Il dit, je prends en compte tous mes plans. Je prends en compte ce que ma pensée a conçu. Je prends en compte ce que ma volonté a exprimé par l'amour. Je prends en compte ce que ma préscience a montré. Je prends en compte toutes les remarques de la préscience. Maintenant on doit harmoniser tout. Et après avoir tout harmonisé, alors Dieu dit à celui qui est bon, je serai aussi bon avec lui. Avec celui qui est droit, moi aussi j'agirai avec droiture. Avec celui qui est pervers, je vais agir selon sa perversité. À celui qui s'humilie, je le sauve. À celui qui s'enorgueille, il se perd. Quelle sagesse! Dans Psaume 18, c'est presque la même écriture. Psaume 18. L'église est avec moi. Psaume 18. Psaume chapitre 18. Zaburi sura 18. Ah, dans son verset. Musariaki. Ok. Dans son verset. Commençons au verset 22. Car j'ai observé, mais j'ai besoin du verset 26 à 28. Car j'ai observé les voies de l'Éternel. Et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ces ordonnances ont été devant moi. Et je ne suis point écarté de ces lois. J'étais sans reproche envers lui. Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, devant ses yeux, avec celui qui est bon, tu te montres bon, avec celui qui est droit, tu agis selon la droiture, avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards au temps. Oui, bien-aimé frère, oui, bien-aimé sœur, cette loi ici est venue du conseil de sa volonté. C'est vrai, frère. Dieu honore celui qui le craint. C'est Psaume 15, verset 4. Quand vous craignez Dieu, Dieu va t'honorer. Quand vous méprisez Dieu, Dieu aussi te méprise. Si tu es bon envers Dieu, Dieu aussi sera bon avec toi. Si tu es droit, il agira aussi selon sa droiture. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé soeur. Quand Dieu dit quelque chose, si vous vous humiliez, si vous vous humiliez, vous aurez la récompense du Seigneur. Malipo ya Mungu. C'est vrai, frère. Bia kweli nduku. C'est pourquoi Joko man. Dieu, sur base de la préscience, Mungu kufuatana na kutangulia kujua kwake, et sur base de la volonté de l'homme, na kufuatana na uri ya kutangulia, Dieu dans son conseil, Mungu mshauri yake, assisté par la sagesse, yenye kusaidiwa na hekima yake, par sa sagesse, yenye mwenye kusaidiwa na hekima yake, par sa sagesse, mwenye kusaidiwa na hekima yake, et par son intelligence, na akili yake, avait résolu de sauver tout homme par Christ. Et rien que par Christ. C'est vrai, frère. Et c'est dans le conseil de sa volonté qu'il avait résolu d'envoyer Jésus-Christ sur la terre afin de mourir pour ceux qu'il avait vus. Ceux qu'il avait vus d'avance avec le désir dans leur cœur d'être sauvés. Dieu est sage. Mungu ni wa hekima sana. Il est intelligent. Eko na akili sana. Frère. Nduku. Ma sœur. Dada yangu. Tu seras sauvé. Utaokolewa. C'est d'après ton libre arbitre. Ni kufuatana na uhuru. Et d'après ce que Elohim avait arrêté dans son conseil de sa volonté, après avoir examiné tous les plans conçus par la pensée de Dieu, après avoir examiné l'amour de Dieu et tous les projets et la volonté que l'amour de Dieu avait manifesté envers vous. Et d'après ce que la préscience avait fait remarquer à l'amour de Dieu et à sa volonté. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est pourquoi tout a été arrêté d'avance. C'est pourquoi vous lirez dans Actes des Apôtres. Prenons Actes des Apôtres. L'église est avec moi. Ah. Kama unapotea ni wewe mwenyewe. Si tu te perds, cela te concerne toi-même. Dieu a résolu maintenant. Mon décision yake finale. Dans sa décision finale. Anasema, il dit, mitaacha bantu bote uhuru. Je laisserai tout le monde libre. Bafuenge kile ambao batapenda. Ils fassent ce qu'ils voudront. Kama napenda ananipenda ndio. Bananikatala ndio. Si me rejette, mais famille kokola. Mais pour sauver. Mitaokola paka bale bataniitika. Je sauverai seulement Bale batani katala na mimi ta eshimia kipenda roho yabo ta eshimia uru yao paske je ne suis pas dictateur. Mishina wakukazisha bitu. Acte des apôtres, Matendo ya wamitume, chapitre 2, sura yake ya pili, dans son verset mustari yake 22 ya makumi mbili na mbili, 23 na makumi mbili na tatu. Homme israélite, écoutez, homme de Cambov, écoutez ces paroles. Maneno haya. Jésus de Nazareth, Yesu wa Kunazareti, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage, uyu mutu ule Mungu alishuhudia, devant vous par les miracles, mbele yenu kupitia les prodiges, maisha, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Katikati yenu. Qui a opéré les miracles? Nanula ritenda miujiza. Réveillez-vous, qui a opéré les miracles? Nanula ritenda miujiza. Oui, frère. C'est Elohim. Elohim. Par qui? Kupitia nani? Par Jésus son fils. Kupitia Yesu Kristo. Ah, ça va, vous comprenez maintenant. Ah, munaelewa. Très bien. Muzuri sana. Qui l'a opéré par lui? Il a ritenda kupitia yeye. Vous voyez? Munaona. Comme vous le savez vous-même. Paka vile munaijua mwe wenyewe. Cet homme. Huyu mutu. C'est Jésus, cet homme, livré selon les conseils arrêtés. Dans votre Bible, il est écrit selon les desseins. Selon les desseins arrêtés. C'était arrêté où? C'était arrêté où? C'est dans les conseils de sa volonté. C'est là où on avait arrêté. Elohim a dit, après délibération, dit, j'enverrai l'homme Jésus. C'est lui. C'est par lui. Quel est l'achat ukombozi va s'opérer. Itafanika. C'est par lui. Nikupitia Yesu. Quel est salut Jokobi va s'opérer. Itafanika. C'était arrêté avant la fondation du monde, dans l'éternité. Même notre salut fut arrêté avant la fondation du monde, dans l'éternité. Dans le conseil de sa volonté. C'est vrai, cet homme, livré selon les desseins arrêtés, et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir. Par la main des impies. Dieu l'a ressuscité. Vous continuez. Actes des Apôtres chapitre 4. Commencez au verset 23. Vous voyez. Commencez au verset 23. Mais pour aller jusqu'au verset 28. Mais je prends les versets 26 à 28. En effet, c'est contre ton oint serviteur Jésus. C'est contre ton saint serviteur, Jésus. Que tu as oint. Que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate. Hérode et Ponce Pilate. Se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Pour faire, pour accomplir tout ce que ta main avait arrêté dans ton conseil. Vous voyez, tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. L'église est avec moi. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avait arrêté d'avance. D'avance où? dans l'éternité, dans le conseil de sa volonté. Vous voyez bien, mes frères. Vous voyez bien, mes soeurs. Ce message dans le conseil de sa volonté. Si elle avait tout planifié. C'est dans le conseil de la volonté. Que l'homme dit, d'abord moi-même espéré, Dieu. Voyez, en quittant l'éternité, quand je vais quitter l'éternité, pour entrer dans le temps, je serai moi-même une créature. Vous voyez, je serai le premier, je serai le commencement, je serai Jéhovah, je serai loin, le Logos, je serai Dieu, parce que j'aurai des anges. Et c'est encore lui. Toujours dans le conseil. Et à partir de la Genèse, il a commencé à parler sous les ombres. Arrivé dans le Nouveau Testament, il dit moi-même, je deviendrai homme. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dans le verset 14 de Jean chapitre 1, et la parole a été faite chair. Vous voyez? Vous voyez, la parole a été faite chair. A été, c'est une décision qui a été arrêtée depuis le conseil de sa volonté. Dans le conseil de sa volonté, Elohim lui-même a pris la décision. Comme il n'y aura personne pour sauver l'homme, moi-même, je prendrai le corps théophanique, la parole. Dans lequel je vais créer toutes choses. Après qu'il soit tombé, moi-même, je vais me revêtir de chair. Je serai un homme, l'un d'eux, pour verser le sang pour eux. Moi-même, lui le projecteur, lui l'auteur, il est la source de la vie. C'est pourquoi il est dit, c'est l'Éternel, lui qui a promis le salut, c'est lui qui accomplit le salut. Vois bien mes frères, nous le dirons plus tard. C'est lui qui a promis le salut. C'est lui qui a accompli le salut. Il l'a accompli au bois du calvaire. C'est lui qui le réalise en nous par la voix de la parole, de sa parole et de son esprit. Pour que le salut soit une réalité en nous, Dieu vient créer en nous une nouvelle vie divine. À partir de la parole que vous recevez et à partir de son esprit. Et tout ça fut arrêté avant la fondation du monde dans les causes de sa volonté. C'est vrai, frère. C'est pourquoi nous comprenons ces choses. Frère, ma soeur, vous êtes un peuple heureux. Vous êtes un peuple béni. Si vous comprenez ces choses, nous comprenons ces choses parce que nous avons assisté dans le conseil de la volonté de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas existé dans le conseil de la volonté de Dieu, il ne peut pas comprendre le mystère du salut. Dans Jérémie chapitre 23. Je termine avec cette écriture. Ababa ubiri bote wa mazebu na ba mafosu doctrine na ba nabii bote ba bongo bongo aba banayenga makanisa yabo yule ya mabuloji na matabiri ya bongo aba ya asistaka mukonseye ya Mungu jo kwa maana kambe banasoma Bible aba shiki yake beko na ubiri mawazo yao na kia kwabo jo kwa maana utakuta kuko makanisa ya des églises ya kiluba de luba. Il y a des églises, des Kassaïens, il y a des églises, des Tchokwe, et des Runde, il y a des églises, vous verrez que Makanisa qui... Il y a avant au Congo. Les églises déjà de Congo. Lorsque vous allez au Bakongo. Mais qu'on a religion yabo. Mais qu'on a dit yabo. Tout homme de Bakongo. Ah non, on a semé les religions yabo. Il voit que les religions là est vraie. Pourquoi? Dieu anine. Ce sont des gens qui n'étaient pas dans le conseil. Ils faisaient des mensonges. Et Dieu dit ceci. Na Mungu anasema hivi. Voyez. Munaona? Il dit ceci. Anasema hivi. Parce que ces gens sont des menteurs. Dieu baba tu ni badanganifu. Ainsi par l'Éternel des armées. Je commence au verset 16, je vais finir verset 18. Ainsi, chapitre 23. Ainsi par l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Des prédicateurs qui vous prêchent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur. Ils enseignent leurs propres pensées. Voyez, leurs propres coutumes, leurs traditions. Ils disent les visions de leur cœur. Et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent. L'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à ceux qui suivent, à ceux qui suivent les passions de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. L'Église est avec moi, je vais bientôt m'arrêter. Ils disent à ceux qui me méprisent, Dieu est amour. Fais un poteau, linga, olinga, te. Dieu te sauvera. Si Dieu t'avait vu être sauvé, tu seras sauvé. Même si tu vis dans un bar. Voyez, même si tu es dans la poitrine d'une prostituée, quand l'enlèvement vient, la prostituée reste, toi tu es enlevé. Quel mensonge. Job Ulogi. C'est ça la sorcellerie. Comment tout le monde a reconnaissé qu'on est à Kokolewa. Hasta ou comme qu'il a rien d'oumba. Comment tout, Barakuminaria. Dumba Nabakia. Bongo. Tu seras enlevé. C'est faux. C'est faux prophète. Banaviva bongo. Faux prédicateur. Baubiri ba bongo. Ata urikuya. Mukanyumba ba mufumu. Dala maisonnette de. Teke tu l'enlèvement inakuya. Mitakalaka yote nanguka. Na mampembe nanguka. Damu ya Yesu inakufunika. Le sang de Jésus est puissant. Unabadirika. Ni bongo. C'est vrai frère. Ce sont des prédicateurs de mensonges. C'est vrai frère. Ils disent à ceux qui me méprisent, vous aurez la paix. Mais ce matin nous vous disons, qu'il a pour moi naume na mwanamuke, et qu'on a ici mon ami, n'aura jamais la paix. Il est sous la malédiction. Et la mort l'attend. C'est vrai frère. Pas de paix pour des pécheurs. Pas de paix pour des infidèles. Pas de paix pour ceux qui méprisent Dieu. C'est vrai. Ils disent à ceux qui suivent les passions de leur cœur. Qui suivent la volonté, leur propre volonté. Ils disent non. Rien ne vous arrivera. Bongo. Moi va ndumba. Vous prostituez. Va mwiji. Vous voleur. Moi va bongo. Vantu va makari. Les colériques. Vantu va baya. Les méchants. Mouyo va kusema. Sachez que. Siku ya mateso yenu. Iko na karibia. Kama leo mwitika Yesu Kristo. Mouyo va kusema. Lufu kone mchumi. Sachez que la mort vous attend. C'est vrai frère. Bia kweri nduku. Ils disent. Banambia. Rien ne vous arrivera. Hakuna kibaki bongo. Tamifikia. C'est faux. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? Pour voir, pour écouter sa parole. Qui a été là? Vous voyez, regardez le verset 21 et le verset 22. Je ne pouvais envoyer ces prophètes. Et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Et leur faire revenir de leur mauvaise voix. Et de leur méchanceté. De les actions. De la méchanceté de les actions. Il n'y a que des prédicateurs. Qui ont assisté dans le conseil de la volonté de Dieu, ils peuvent enseigner au peuple de Dieu la véritable voie du salut, la véritable crainte de Dieu, toute la vérité de la parole pour qui rendent les hommes et les femmes libres. Apana ba prophète ba bongo na prophète ça ba mazebu denominationnel minaona pendant qu'il n'a rien vu wakati la chose minaona kumbele yako kule kwa ushi bongo c'est sombre c'est foi bien mes frères unaona ndukumpeni foi bien mes sœurs oh minaona imateso na kufikia ni baba yako ni mama yako ni mjomba yako ni dada yako una ni baba pati yako des faux prophètes des mensonges qui n'ont jamais assisté dans le conseil de Dieu. Mais ceux qui ont assisté dans le conseil de Dieu disent la vérité. Répentez-vous. Voilà la vérité. Revenez. Revenez de vos voies. Revenez de mauvaises voies. Le sang est encore là. Voyez mes frères. Dis-le. Ce que je désire. Et c'est le méchant même. Non. Qu'il revienne. Qu'il se répande. Qu'il se reconvertisse. Et qu'il soit sauvé. Voilà la voie de la vérité. C'est dans le conseil de la volonté de Dieu que tout a été décidé. Voyez que le salut de l'homme a été décidé. Non pas sur base de la volonté de Dieu, mais c'est sur base de ta propre volonté et de la présence de Dieu. C'est pourquoi, comme nous le verrons plus tard, nous avons été élus sur base de la présence de Dieu. Pas sur base de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, dans son amour, tout homme doit être sauvé. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Qui a compris? Nani ula na elewu. Ça va, levons-nous pour la mesure. Tusima meju ya maombi. C'est bien que vous compreniez ces choses. Mzuri mupate kuelewa. Mardi nous avons, avant de passer de parler mukazimbili de parler de la volonté de Dieu. Bele ya kusemezea kuhusu mapenzi ya Mungu. Nous allons parler d'autres choses. Tout à nous allons un peu lire quelques versets bibliques. Et quelques citations de Frère Branham. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. Dieu nous a tellement aimés. Mungu alitupenda sana. Vous voyez. Unaona. Il nous a tellement aimés. Alitupenda sana. Il a fait de bons plans pour nous. Dieu alitufanyia mapu mzuri. Si aujourd'hui vous n'aimez pas Jésus, vous n'aimez pas la parole, il y a quelque chose qui joue avec vous. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui joue dans ta foi. Tu es méchant. C'est vrai frère. C'est pourquoi le plan que Dieu a conçu, c'est un bon plan. Dieu a tout observé. Dieu t'avait vu. Même la négligence que tu as là, Dieu l'avait vu. Si tu n'as pas la force de persévérer dans les choses de Dieu, vous devez faire très attention. On n'a pas chez sana. Vous devez faire attention. On n'a pas chez sana. Kama huko mtu paka leo huko sawa na kankamana mambo ya Mungu na tembea kisha tena unabia kumkumbuka après quoi tu retournes rétrograde. On a déjà dit les élus sont des zéros hein. Tunaisha kusema kasema bateule ni mashujaa. Wewe mwenyewe angalia kule unategemea. Examine regarde de quel côté tu te penches. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. L'amour de Dieu, mapendo ya Mungu, que mzee a demandé là. Ni mwimbo ile mzee aliomba. Avant de prier. Mbele ya kuomba. J'aime que vous compreniez ces choses. Ninapenda muelewe maneno. Kama mnachukia bintu mzuri. Si vous écoutez correctement. Au tamini aka mafundisho ya bongo shiku hata moyo. Vous ne jamais à la fausse doctrine aucun jour. Parce que tu es avec Jésus dans l'éternité. Jour, il y a na Yesu mule mu milele. Il n'y a rien qui va t'échapper. Hakuna kitu kile kitakuepuka. Tena alama ya kuonesha kusema. Le signe qui prouve que tu as été élu. Ulikuyaka mteule. C'est très simple. Iku mwepesi. Kama uko naelewa. Si tu comprends. Katika upana hii mafundisho tunafundisha. C'est qu'on enseigne ici. Wakati unaishikia. Que tu les comprends. Je uko na sans passer avec on kutosha kumacho. Tu verras comme si c'est le signe qui prouve que tu étais dans le conseil. Jo alama iku na hakikisha sema ulikuwa kama ule mshauri ya mapenzi ya Mungu. Pale neno la Mungu unahubiriwa. Parce que la parole de Dieu. Ile ma verset yote inekaraka iko naleta confusion ndani ya moyo wako. Ce verset là qui amène la confusion dans ton cœur. Devient clair. C'est comme ça que les gens sont. Ah, je viens bit to biko. Un élu comprend profondément la pensée de Dieu. Pourquoi il est habité par l'Esprit de Christ qui était dans le conseil de la volonté de Dieu. Prions-nous tous ensemble.